Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Merveilleux écrivain de paroles et merveilleux parleur d'écriture. Ainsi est défini Albert Cohen par un invité de l'émission qui vient, la cinquième et dernière d'une série proposée par Françoise Estève et Jean Couturier quelques mois après la mort de l'écrivain. Nous allons connaître et apprécier à leur juste valeur les avis du recteur Mangeclou qui nous permettront d'augmenter notre cerveau. Albert Cohen, il n'est pas un intellectuel, il ne sait pas parler, il ne sait pas expliquer, il est épique. Mangeclou, au menu de cette émission, Mangeclou préféré à Belle du Seigneur par cet homme né à Corfou qui prétendait avoir l'œil méchant et le cœur bon. Première diffusion sur France Culture, le 6 août 1982, quelques mois après la mort d'Albert Cohen. Mon vrai prénom, c'est Abraham. Les Juifs donnent toujours deux prénoms. Un pour l'intérieur, l'autre pour l'extérieur. Alors Abraham, c'est mon vrai nom. Mon vrai prénom. Mais on m'a donné aussi un prénom circulable parmi les chrétiens, n'est-ce pas, Albert? Mais vous savez que les privilèges qu'ont tous les Cohen. Cohen veut dire prêtre en hébreu. Et le Cohen, c'est le véritable prêtre, ce n'est pas le rabbin. C'est toujours un Cohen qui bénit le peuple. Parce que le Cohen est le descendant d'Aaron. Les Cohen sont les Aaronides. Ils ont certains privilèges. Par exemple, celui de bénir le peuple. La bénédiction, c'est Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa grâce. Carte de visite de maître Pina Solal. De Solal, originel de France béni. Mais en exil depuis des siècles, hélas, à Céphalonie, île grecque en mer ionienne. Citoyen français, papiers en règle, surnommé parole d'honneur Dimanche Clou, professeur très émérite de droit avocat habile, docteur en droit et médecine non diplômé. Rédige des contrats excellents et des conventions empoisonnées. Que tu ne peux plus t'en sortir. Appelé aussi le compliqueur de procès qui un jour fit mettre en prison une porte de bois où le trouve assis sur les marches des divers tribunaux entre 6 et 11 heures du matin, le plus grand jurisconsulte de Céphalonie, homme honnête. Les versements en espèces sont préférés pour les ignorants ou donnent explication. De l'expression élégante, espèce veut dire argent, mais on accepte aussi la nourriture. On le trouve chez lui la nuit et il se charge d'autres affaires. Il aurait pu être diplômé s'il avait daigné, mais il n'a pas daigné. N'est pas détruire la carte qui a coûté extrêmement d'or et d'argent. Post scriptum. Comme indiqué, le surnommé est également grand médecin, bien plus guérisseur que les médecins à diplômes inutiles. Car enfin, qu'ont-ils fait, ces imbéciles, sinon que écouter les leçons d'autres imbéciles plus âgés? Et puis, ils ont passé des examens avec des protections puissantes. Le père donnant un pourboire aux examinateurs et un clin d'œil. Et pour se rattraper des dépenses, le fils, soi-disant médecin diplômé, mais vrai bandit, te fait naturellement payer des sommes immenses. Mais crois-moi, il te mène au tombeau. Françoise Estève, Jean Couturier. Mangeclou. Albert Cohen. Un mariage miraculeux de contradictions. Je suis né à Corfou. Et mes camarades de lycée me disaient, ça je n'oublie pas, jamais tu n'écriras français comme nous, m'avait dit, parce que j'avais un accent étranger à ce moment-là. Jamais tu n'écriras. C'est vrai d'ailleurs, je n'écris pas comme eux. Sachez, ô mes amis, que lorsque je vis le jour, j'étais fort précoce et assez miraculeux. Sortant de l'honorable panse de Madame Mère, ma première pensée fut de demander à la sage-femme s'il y avait quelque chose de bon à manger dehors. Elle me répondit que non. Alors je rentre, dis-je, car j'ai faim. En effet, j'étais assuré de trouver une immédiate provende à l'intérieur maternel. Et je décidai de non point sortir, ayant appris que ma mère avait un lait peu crémeux. Vous savez que je ne quitte pas de bon gré une salle à manger. En conséquence, on dut me faire sortir avec des tenailles, d'où mon crâne rigoleux. Étrange bonhomme, vraiment, que Mangeclou. Ses entreprises du temps de la Lyonne lui avaient rapporté une somme rondelette grâce à laquelle il aurait pu suralimenter ses enfants, faire en plaie d'une redingote neuve et offrir à sa Rebecca les spécialités pharmaceutiques dont elle était aussi friande que l'épouse de Salomon. Comme elle aurait été heureuse de consolider sa santé en prenant simultanément de la boldoflorine, de l'urodonal, de la magnésie bismurée, du vin des frileuses, de la quintonine, de la multivitamine des seuls crush, de les noms fruits salt, de petites pilules cortes, et bien d'autres produits avec lesquels son âme soupirait. Mais non. Imaginez-vous que Mangeclou s'est découvert une vocation de mécène, aussitôt son holding liquidé, et qu'il repartit ses gains entre les personnalités et les organismes qu'il chérissait. Ses munificences partaient d'un bon mouvement. Et le pauvre bougre était à 100 lieues d'imaginer qu'elles étaient déplacées et ne seraient pas reçues avec une reconnaissance débordante. En voici le détail. 1000 drachmes au Saint-Siège. 1000 drachmes à l'organisation sioniste. Et 3000 drachmes au roi d'Angleterre. Ce dernier don était accompagné de la mention suivante, soigneusement calligraphié au dos du mandat poste qui stupéfia le receveur de Céphalonie. Prière à son amicale majesté d'acheter quelques facilités lui faisant plaisir et d'offrir quelques chocolats suisses aux mignonnes princesses de la part de leur bon ami Mangeclou, humble vers admiratif et rampant. Le chocolat aux pistaches d'Amac fabriqué par Nestlé, est ravissant. 300 drachmes au duc de Norfolk, qu'il estimait particulièrement. 250 drachmes au colonel Lord Templemore, D-S-O-O-B-E, capitaine des Yeomen de la garde. 240 drachmes au comte de Lucan, capitaine des gentilshommes d'armes. 260 drachmes à l'amiral Lord Beatty. 100 drachmes au comte de Sefton. 120 drachmes au comte de Derby. 150 drachmes au marquis de Zetland. 250 drachmes au marquis de Lilienthal. 100 drachmes à Mr. Winston Churchill. 50 drachmes à Monsieur Lord George, 275 drachmes au brigadier général G.W. St. G. Grogan, dont il avait beaucoup apprécié le haut plumé. 3000 drachmes au ministère français de l'air, avec le salut militaire du caporal Pignasolal. 3000 drachmes à la Suisse, pour vous acheter quelques bons canons, et faites attention, s'il vous plaît, du côté d'une certaine frontière. Un 2000 drachmes, mon président des États-Unis. Veuillez excuser la modicité, cher grand ami, mais je n'ai pas de souci au sujet de votre trésorerie. Et un timbre grec d'un centime au ministère allemand de la propagande. Ce divers don, ayant été expédié en secret, Mangeclou craignait l'éclapissement de Rebecca. Il alla commander 4 billets de 3e classe pour Marseille, via le Pirée. Il se frottait vigoureusement les mains en pensant à la joie qu'éprouveraient les notables britanniques lorsque ces dons leur parviendraient. Tout de même, il aurait dû envoyer un peu plus à Lord George, qui se froisserait peut-être. Tant pis, trop tard. Et puis, en somme, c'était mieux ainsi. Il avait certes beaucoup de considération pour Lord George, mais il n'approuvait pas entièrement sa politique et, en fin de compte, il n'était pas fâché de lui faire comprendre discrètement. Il s'arrêta, très ennuyé de n'avoir rien envoyé à ce cher Eden, Neville Chamberlain, Baldwin et autres. Mais que faire? Il ne leur restait plus un sou. Eh bien, à la prochaine affaire, il ne les oublierait pas. De retour en sa cave, il fut pris d'une grande lubie de tendresse et confectionna pour ses marmots une omelette de 40 œufs. Au milieu de la nuit, il les réveilla pour leur faire ingurgiter, sous son regard sévère et charmé, divers fortifiants. Toutes les fois que j'arrive dans l'appartement du boulevard Krieg à Genève où habite Albert Cohen, j'ai un peu le sentiment de faire une visite au vieux sage, au vieux djinn, au vieux derviche des mille et une nuits ou des contes de l'Orient. Claude Roy. Cette impression est un peu fortifiée parce que vous savez, l'habitude qu'a Albert Cohen d'avoir toujours à la main un de ses chapelets orientaux que ses doigts pétrissent avec une espèce de nervosité maligne. Et puis, dans son apparence, dans son extrême courtoisie, dans son humour, il y a aussi ce côté du vieux sage. Je trouve que rien n'est plus beau qu'un vieil homme qui est tout à fait jeune, c'est-à-dire qui est tout à fait réussi. C'est tout à fait le cas d'Albert Cohen. Et la façon dont il interroge, elle me fait penser aussi un peu, mais alors là, je crois que c'est, il faudrait que nuancer tout de suite, parce que quand je pense au maître zen, le zen qui est tellement à la mode, une mode tellement douteuse, mais il y a de la malice, de l'ironie et de la provocation dans la façon dont Cohen reçoit ses interlocuteurs et ses amis, dans les pièges intellectuels qu'il leur tend, les croche-pieds affectueux, l'espèce de dialectique à laquelle il les soumet. Oui, je crois que c'est un mot difficile à employer, un peu lourd, qui a l'air un petit peu ennuyeux, mais c'est un sage. Oui, mais enfin, c'est un sage qui n'est pas du tout serein. C'est un sage qui n'est pas serein, mais ce qui fait la beauté de ses livres et surtout de son chef-d'œuvre qui est Belle du Seigneur, c'est que c'est un sage qui sait accorder les choses les plus contradictoires. Comme je crois qu'il pense aussi, j'imagine, que l'homme est un animal essentiellement contradictoire, ça donne une espèce de sérénité. Oui, là aussi, c'est un mot un peu spiritualiste, entre guillemets, dont je me méfie, mais il a établi une espèce d'équilibre ou de paix. Prenez Belle du Seigneur. Belle du Seigneur, quand on s'en souvient, quand on repense au livre après le premier choc qu'il a donné, on pense à une espèce de... On se dit c'est un grand livre d'amour. C'est un des plus beaux livres d'amour moderne. En même temps, c'est un des livres les plus terribles contre l'amour. C'est la dérision de l'amour-passion. Et c'est l'exaltation involontaire peut-être, mais de l'amour-passion. Belle du Seigneur, c'est un livre à la fois tragique et burlesque. C'est à la fois Tristan Iseut et les frères Marx. C'est Courteline et Wagner, c'est un espèce de grand chant, mais un grand chant auquel se mêlent des ricanements, des petits rires, des grands rires. Explication. À titre d'exemple seulement, quelques cours universitaires par le professeur émérite Mangeclou. 1. Grammaire française avec enseignement des accords sournois des participes passés. Comme difficulté, la langue italienne n'étant rien à côté de la langue française. 2. Philosophie sarcastique ou idéaliste selon entente avec les étudiants qui diront leur préférence. 3. Preuve de l'existence ou de l'inexistence de l'âme, également au choix des étudiants. Mais une drachme de plus pour l'existence qui est plus difficile à prouver. 4. Phrase à la mode et profonde. 5. Lettre de condoléances sanglotante. 7. Combinaison pour payer moins d'impôts et secret de la douane pour passer tout ce que tu voudras. Ce cours de contrebande est en privé et en grande confidence, et 3 drachmes vu l'importance et le grand secret. 8. Manière de réfuter. 9. Pour adultes seulement et non mariés. Leçon des séductions amoureuses. Avec pensée sur la psychologie féminine. Modèle de l'être, sujet des conversations du début d'un amour. 10. Cours complet des ruses juridiques moyennes et fortes de manière à toujours gagner le procès malgré le juge imbécile nommé par protection. 11. N'importe quoi ou d'autre au gré de la clientèle. Prix à débattre selon la difficulté et la profondeur. 12. Cours de médecine interne et externe en vers composé par le recteur Mangeclou et apprendre par cœur pour se guérir tout seul, gratis. Avis important. Venez tous, venez augmenter votre cerveau. La culture est ce qui sépare l'homme de la bête. Tout ce noble fontaine du savoir et des agréables connaissances, réduction pour abonnement, diplôme garanti, négociation en cours pour équivalence avec les diplômes des universités françaises de manière à pouvoir être honoré en voyage et faire un peu le fier. Pour chaque matière enseignée, son honneur, le professeur recteur fait passer des examens indulgents et remet des diplômes selon l'entente bachelier, licencié, docteur. La taxe pour diplôme mérité est 50 drachmes. La taxe pour diplôme non mérité, mais pour se faire valoir, est à débattre. 100 drachmes minimum, par corruption et clin d'œil. L'examen ayant été lamentable, en cas de visite urgente au futur beau-père pour lui demander la main de sa fille remise immédiate et affectueuse du diplôme de docteur sans examen mais selon entente à voix basse aux quatre murs. Je suis pas un intellectuel, je sais pas parler. Je vous le répète, je sais dire que Mangeclou a un crâne en sel qui s'appelle le capitaine des ventes, ces choses-là, je sais. Mais je ne sais pas expliquer. Je ne sais pas expliquer. Je suis le seul épique. Je n'en vois pas d'autres actuellement. Hein? C'est une épopée. Les personnages sont, comme dans les épopées, toujours les mêmes. C'est pas dans le délice perpétuel d'être eux-mêmes, les valeureuses. Il recommence toujours la même histoire. Puis je suis très difficile, je ne veux pas ennuyer. Or, je m'ennuie très souvent au film parce que je vois très bien qu'il a voulu faire quelque chose de très moderne et superlificateur et embêtant. Or, il ne faut jamais être embêtant. Il faut mettre du génie entre deux tranches de ruse. Ruse. C'est le livre que vous préférez, Belle du Seigneur ? Non, c'est Manche-Clos. C'est Manche-Clos. Mmh. Mais Belle du Seigneur, c'est bien. Je me rends compte, c'est bien fait. C'est bien. Je parle des Juifs comme un antisémite pourrait en parler. Et en même temps, je les aime. N'est-ce pas ? Je crois qu'il y a ça. C'est que j'ai l'œil méchant et le cœur bon. Et dans Belle du Seigneur, à un certain moment, je parle d'une espèce de horde juive qui, invitée pour un thé, arrive en smoking, n'est-ce pas ? Et puis, Solal se demande à un certain moment, mais comment se fait-il que je puisse les regarder avec tant de méchanceté ? Et tout d'un coup, ils découvrent qu'en réalité, ils les savourent même dans leur travers. Ils les aiment tant qu'ils aiment leurs défauts, et que il fait cette comparaison à un certain moment, c'est un peu comme si je voulais, je me rappelle plus comment Solal dit cela, mais c'est comme des épices brûlantes et qui en même temps me sont douces et bonnes. Enfin, je sais pas. En réalité, je sais rien. Je ne sais que faire. Je ne sais que faire, je ne sais pas penser. Je suis un infirme en matière cérébrale, par exemple, en matière d'abstraction. Je suis perdu, je ne sais pas m'expliquer, je ne sais que créer. Ce qui fait que pour moi, je suis un très mauvais interviewé, parce que je ne sais pas dire. Je ne sais que faire. Qu'est-ce que vous pensez de ce passage où Solal découvre que le peuple juif est le peuple d'antinature ? Vous aimez beaucoup ça, le Oui, c'est mon ami intime. Oui. C'est drôle parce que vous laissez la parole à Manche-Clou, qui est ce passage aussi extraordinaire. Oui. Qui lui, c'est l'ombre grimaçante de Solal. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'en réalité, c'est un Solal raté. L'humour de Cohen, justement, il est celui des corps longs simples, de la complexité, parce que c'est toujours un humour en dissonance, où il y a des accords et des harmonies qui tirent à U et à Dia. Claude Roy. L'humour de Cohen, c'est l'humour de la complexité, c'est l'humour de l'extrême intelligence, c'est pas du tout un humour simple. Ce qu'on appelait en allemand l'humour d'échafaud, l'humour un peu désespéré et la défense de ceux qui n'ont pas de défense, c'est le refuge de ceux qui n'ont pas de refuge, c'est une façon de se tirer d'embarras sans réussir pourtant à se tirer d'affaire. On est touché par cela parce que, évidemment, il y a à son cœur, à son noyau, La blessure dont il parle, il en a parlé plusieurs fois dans ses livres, mais c'est dans « Aux frères humains » qu'elle est évoquée avec le plus d'intensité, tout à fait directement, le moment où le petit garçon de 10 ans, dans un incident de rue, se découvre à la fois juif et profondément blessé, poignardé dans son être. Et l'espèce de rire quelquefois, grinçant quelquefois, chaleureux, les rires, les gammes de rire de Cohen partent de ce malheur premier et nous touchent tous. Et son écriture, sa façon de conduire la narration, c'est celle, là aussi, du... Oui, c'est une voix qui nous parle, c'est un conteur, je veux pas tout le temps ramener le mot oriental, parce que ce serait justement aller contre ce que je viens de vous dire et diminuer ce cadre de général et d'universel, l'œuvre de Cohen, mais il écrit comme il parle, mais il parle justement comme il écrit, parce que c'est un merveilleux écrivain de paroles et parleur d'écriture. Et cette écriture, elle est celle de quelqu'un qui a tout entier... voilà, il y a des gens qui vont, qui font des points, qui vont à la ligne. Cohen, non. C'est un long serpent qui, j'ai envie de dire, la métaphore est un petit peu audacieuse, mais qui sort de ses entrailles, une espèce de fil d'Ariane qui sort de lui, et qu'il déroule sans arrêt avec des changements de rythme, de ton. Parce que la phrase de Cohen, une page de Cohen, il y a tout le temps des changements de vitesse. C'est un seul fil qui se déroule, mais jamais à la même allure, jamais au même tempo. C'est ça qui fait son charme. Et quand on est avec l'homme Albert Cohen ou avec l'écrivain Albert Cohen, on est vraiment suspendu à ses lèvres. Il se peut que tous mes livres soient nés avec l'histoire du Camelot. Et c'est très curieux. On dirait que j'ai refait l'aventure juive. Parce que, tout d'un coup, je me suis reconnu dans une glace, puis j'ai eu l'impression que... Comment était-ce ? Oui, que je leur dirai un jour ce qu'ils m'ont fait, et puis que je serai extrêmement bon avec eux, que ça serait ma vengeance. Ma vengeance. Je suis venu dans ma vie avec un bouquet de roses et on m'a lancé des excréments. Et qu'on a continué, en fin de compte. Mais comme je suis en même temps intelligent et habile. Enfin, habile, pas dans le mauvais sens du mot, enfin, que j'ai su m'arranger. Je suis l'homme, mon père était un homme extrêmement simple, moi aussi. Eh bien, j'ai voyagé pendant longtemps avec des passeports diplomatiques, n'est-ce pas ? C'est ce que j'appelle habileté. Mais malgré tout, j'ai rencontré beaucoup de surprises désagréables. Beaucoup. Oui, mais... J'ai été blessé, c'est vrai. Mais pas simplement en tant que juif. Pas seulement ça, non, pas seulement ça. Aussi, donc. Mes deux premiers... mon deuxième mariage a été un mariage terriblement triste. Terriblement triste. Et c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai écrit Mangeclou, parce que c'était une période extrêmement noire, et j'ai écrit quelque chose de gai. Au président de la République, colonne de la Maison de France, sur les épaules de qui repose le destin d'une grande nation, salut. En ma qualité d'universitaire, j'appuie avec désintéressement la supplique de décoration pour les sieurs Solal, de Solal, expédiée ce jour à votre nom et adresse, par recommandé, timbre bien collé, donc aucune surtaxe à payer. J'appuie chaleureusement, car le dit Solal assez naïvement décrit par son oncle, avec beaucoup trop de majuscules pour une lettre officielle, mais je n'ai pas eu le cœur de refuser de signer « mérite cette décoration ». Moi aussi d'ailleurs, entre parenthèses, mais le tact m'empêche d'insister. En tout cas, si vous pensez pouvoir jeter un regard compatissant sur ma poitrine vierge de toute décoration et qui pourtant mit au monde tant d'enfants pour la patrie, c'est à votre bonne volonté. J'ajoute qu'au cas où la République française aurait quelques procès contre n'importe quel pays, je suis à votre disposition. Honoraire modéré et habileté juridique, n'importe quelle décoration, rouge ou violette, grande ou petite, serait reçue avec attendrissement. Révérences amicales, sans majuscule, de votre passionnément dévoué, Pignas Solal, dit Manchecloud, ancien caporal au 141e d'infanterie à Marseille. Présentement, ancien recteur de l'université de Céphalonie. Post-scriptum. Et non-pst, comme une certaine personne, taquinerie amicale adressée à mon cher cousin Saltiel, rédacteur naïf mais charmant de la pétition. Je vous avouerai, cher président, que j'ai un peu soif d'honneur. Quel mal y a-t-il lorsque on les mérite? Il n'y a que les gueux qui soient modestes, ne croyez-vous pas? J'ajoute, avec la permission de votre Altesse présidentielle, que si au cours d'une garden party élégante, vous rencontreriez le roi d'Angleterre, avec qui vous êtes sûrement en termes ravissants, vous pourriez lui glisser un mot d'amitié pour une petite décoration anglaise en ma faveur, avec initiale donnant droit à l'appellation « Sir ». C'est surtout pour ma chère épouse que je brigue avec espoir conjugal. La femme d'un « Sir » étant toujours une « Lady », ce serait donc « Lady » et « Rebecca ». Mais cette petite enfant mâle, tout son bas âge, serait si heureux aussi. Post-scriptum. D'ailleurs, je passerai par Paris bientôt et viendrai vous rendre visite après vous avoir téléphoné par éducation. Espérant que cette petite lettre vous donnera envie de faire ma connaissance, je me ferai un plaisir obséquieux de vous rendre visite, bien savonné, coiffé, et soyez tranquille, je vous ferai honneur. Nous pourrons déviser agréablement ou jouer au loto au cours d'une soirée récréative dans l'amitié et la sympathie. Et moi, je vous raconterai des histoires pleines d'humour et vous verrez comme vous rirez. Je pourrai également vous chanter, ainsi qu'à madame, ma voix étant d'une belle qualité de basse, cet air de la Tosca que vous devez adorer. Il est fini, ce rêve heureux d'amour. Et c'est mon dernier jour, je meurs désespéré. Ce sera charmant. Donc, cher grand ami, peut-être à bientôt, en me roulant dans la poussière aux pieds charmants de madame, encore le même. Post-scriptum. Sans transition. Condoléances anticipées pour tout regrettable décès pouvant survenir dans votre honorable famille. Hélas, cher président et ami, faites-vous une raison et soyez fort dans l'adversité. L'homme est mortel et pareil à la feuille jaune qui tombe de l'arbre en automne. Excusez la tristesse de ces condoléances, mais par charme mondain, j'ai tenu à être le premier à vous assurer de ma profonde sympathie en cas de deuil subit. Toujours le même. Vous aimez Genève? Non, seulement c'est un foie gras, Genève. C'est pas, on est dans le foie gras. Combien de fois, en moi-même, je dis ça, bourrer les hommes de leur mort, bourrer qu'ils sachent leur dire vraiment, et qu'ils ne s'occupent plus d'être grand officier de la Légion d'honneur, et qu'ils ne se préoccupent plus d'être important, de vouloir grimper, parce qu'on grimpe, on grimpe, et puis on tombe dans la fosse. Enfin, c'est vrai que moi je suis officier de la Légion d'honneur. Alors justement, tout à l'heure, vous nous parliez des vanités sociales, etc. Comment avez-vous pu, étant donné les fonctions que vous avez occupées, rester en marge de cela? Comment j'ai pu? Oui, vous avez été très seul, vous avez su vous préserver une certaine solitude, ou pas, parce que sinon vous étiez complètement... Ah non, quand j'étais là, étant donné que... j'aime être chauffé, que je suis frileux, que j'aime avoir des chemises de soie. Alors, je m'arrangeais pour être bien avec les autres, mais sachant ce qu'ils valent. Je vendais mon âme avec tristesse, avec gaieté parfois. Je jouais le jeu. Tous ces romans dans lesquels ces êtres-là sont vraiment des statues merveilleuses. Ça, c'est le mensonge. Et je suis un iconoclaste. Les mots abominables que je dis et que je regrette après avoir dit paléolithique et babouine, si je les dis et ne peux m'empêcher de les redire, c'est parce que j'enrage qu'elles ne soient pas comme elles méritent d'être, comme elles sont au fond de mon cœur. Elles sont des anges, et je le sais. Mais alors pourquoi la paléolithique derrière l'ange? Écoutez mon secret. Parfois je me réveille en sursaut dans la nuit, tout transpirant d'épouvante. Comment est-ce possible? Elles, les douces et tendres. Elles, mon idéal et ma religion. Elles, aimer les gorilles et leur gorillerie. C'est la stupéfaction de mes nuits. Que les femmes, merveilles de la création, toujours vierges et toujours mères, venues d'un autre monde que les mâles, si supérieures aux mâles, que les femmes annoncent et prophéties de la sainte humanité de demain, humanité enfin humaine, que les femmes, mais adorables aux yeux baissés, grâce et génie de tendresse et lueur de Dieu. C'est mon épouvante qu'elle soit séduite par la force qui ait pouvoir de tuer. C'est mon scandale de les voir déchoir par leur adoration des forts. Mon scandale des nuits, et je ne comprends pas, et jamais je n'accepterai. Elles valent tellement mieux que ces odieux caïdes qui les attire. Comprenez-vous cette incroyable contradiction et mon tourment que mes divines soient attirées par ces méchants velus? Un amant, c'est plus poétique, vient de dire l'extrémité du vermicelle des vermisseaux. Ah, messieurs, que vienne un romancier qui explique enfin au candidat à l'adultère et aux fugues passionnelles qu'un amant, ça se purge. Ah, qu'il vienne le romancier qui montera le prince Vronsky et sa maîtresse adultère Anna Karenina, échangeant des serments passionnés et parlant haut pour couvrir leur borborygme, espérant chacun que l'autre croira être seul à borborygmer. Qu'il vienne le romancier qui montera la mante changeant de position ou se comprimant subrepticement l'estomac pour supprimer le borborygme tout en souriant d'un air égaré et ravi. Qu'il vienne le romancier qui nous montrera l'amant prince Vronsky, poète, ayant une colique et tâchant de tenir le cou pâle et moite, tandis que l'âne lui dit sa passion éternelle, et lui, il lève le pied pour se retenir. Et comme elle s'étonne, il lui explique qu'il fait un peu de gymnastique norvégienne, et puis il n'en peut plus. Et il prie sa bien-aimée de le laisser seul pour un instant, car il doit créer de la poésie à verre. Et rester seul dans le cabinet du travail parfumé, il est traqué. Il n'ose pas aller dans le réduit accoutumé, car la mignonne Anna est dans l'antichambre. Alors le prince Vronsky s'enferme à clé, prend un chapeau melon et s'accroupit à la manière de Rebecca, ma femme qui, elle, ne prétend pas être une créature d'art et de beauté. Et soudain, voici qu'arrive le mari de l'adultère, M. Karenin, qui a défoncé la porte de la rue. Et alors la passionnée Anna lui dit qu'elle ne veut plus de lui, que le prince Vronsky et elle sont dans un ouragan et que lui, Karenin, est un mari dégoûtant, un peu poétique. Le prince Vronsky, s'écrie-t-elle, m'a ouvert les portes du royaume, au chien de Marie, au jaune, au fils de la pantoufle et du cataplasme. Sais-tu ce que fait en ce moment mon trésor, mon aigle de passion? Il crée des vers. Le prince Vronsky, qui a mangé trop de melons et bu trop d'eau glacée, est accroupi sur son chapeau melon, ou plutôt sur son képi d'aide-de-camp. Et il s'y soulage et murmure le nom de sa maman avec infinie faiblesse et délectation. Accroupi devant le piano, il frappe sur les touches et joue un octambule de Chopin pour couvrir les autres bruits. Voilà un roman, selon mon cœur. Le mari, le pauvre mari Karenin, s'en va. Et Anna frappe et demande « Cher prince Vronsky, avez-vous fini d'écrire ?» Le prince répond « Tout de suite, ma noble colombe, les vers ne sont pas encore finis. » Et 5 minutes après, il lui entrait dans la chambre dont la fenêtre est grande ouverte. Et il n'y a plus de képi par terre, car il l'a enfermé dans la bibliothèque, ce charmant amant. Et sur le tapis, il a répandu des parfums. Et il lui dit, « Ah, que ce bon degré de l'art !»« Oui, cher prince, » répond l'adultère avec respect. « Ce doit être merveilleux. »« Oui, » s'écrie le prince poète, « il y a des moments où il faut que ça sorte. » Et l'idiote baise sa main si respectueusement. Enfin, elle a trouvé un non-mari, un éternellement poétique. Voilà. Voilà le roman qu'il faut écrire pour les femmes et pour mes maudites filles qui sont tout le temps à regarder les officiers grecs. Mais à quoi bon? Elles ne le liraient pas. Elles ont si peu d'imagination que, même si on leur dit que le plus bel amant du monde tire une certaine chaîne dans un certain petit lieu, elles ne le sauront pas. Mais pour ce qui est de leur mari, elles le savent, parce qu'elles ont entendu tirer le pauvre. Mensonge, mensonge, l'amour est fait de mensonge. Supposez que cette maudite Anne, qui a lâché son joli petit enfant pour fuir avec le dévastateur de melon, supposez que, par un hasard extraordinaire, elle est surpris pour la première fois son prince Vronsky, fonctionnant à un certain lieu que mon esprit élégant se refuse à désigner plus clairement. Eh bien, croyez-vous qu'elle aurait eu le coup de foudre qu'elle a eu en le voyant au bal, si bien habillé et parfumé, et ainsi de suite? Non, messieurs, non. Qu'est-ce que cela prouve? Cela prouve qu'il faut feindre, se retenir, n'être pas naturel, jouer la comédie pour que l'amour naisse. Et si, à sa première rencontre avec ce Vronsky, elle l'avait entendu vanter et pétarader involontairement, ce qui arrivait à ce Vronsky, je le jure, serait-elle tombée amoureuse? Non, mille fois non, messieurs. Alors, quelle valeur accorder à un sentiment si fragile qu'un léger vent suffit à l'abattre et à le flétrir? D'ailleurs, quelle valeur accorder à un émoi que la plève éprouve? Je déteste le rejulot à sa tata pour la vie. En résumé, messieurs, à bas la passion soi-disant absolue et irrésistible et inéluctable. Et vive le mariage. Voilà ma pensée. Le vrai amour, ce n'est pas de vivre avec une femme parce qu'on l'aime, mais de l'aimer parce qu'on vit avec elle. Ainsi faisais-je avec ma Rebecca chérie, qui est le corps de mon âme et l'âme de mon corps. Et que j'adore. Mais je ne lui dis pas, car tout n'est pas bon à dire aux épouses, car ensuite elles prennent des airs. L'amour, c'est l'habitude et non jeu de théâtre. Les amours poétiques, païennes, genre Anna Karenine, Ce sont de mensonges où il faut parader. Ne pas faire certaines choses, se cacher, jouer un rôle, lutter contre l'habitude. Le saint amour, c'est le mariage. C'est de rentrer à la maison et tu la vois. Et si tu as un souci, elle te prend la main et te parle et te donne courage. Mais les romanciers mentent, plus profond que moi. Ils font tous de mauvais livres qui font croire aux jeunes filles que l'amour est une volière du paradis et aux femmes que le mariage est un égo. Menteur, vrai menteur et empoisonneur. Tous ces écrivains distingués qui montrent leur poétique héroïne, buvant et mangeant de manière enchanteresse et croquant d'un air mutin quelques grains de raisin. Eh bien, messieurs, permettez-moi de m'étonner que jamais ils ne nous parlent des suites de ces croquements mutins. Oui, messieurs, depuis Homère jusqu'à Tolstoï, les jeunes héros et héroïnes souffrent. Surtout s'ils sont beaux, d'une épouvantable rétention. Ils n'en peuvent plus. Il y a plus de 30 ans, par exemple, qu'une certaine demoiselle Natasha Rostova boit et l'auteur ne lui accorde pas la permission de se retirer un instant. Tous les amants, toutes les amants de Shakespeare, de Racine, de Dante, n'en peuvent plus de la continence que leur est imposée par leurs auteurs. Ils se tordent de douleur entrecroisant leurs jambes depuis des siècles pour rester convenables. Mais aujourd'hui, c'est la libération et la révolte. Moi, Mangeclou, je vous donne licence et permission, ô charmante héroïne et noble héros de passion. Avouez que vous n'en pouvez plus, vous tous, martyrisez du roman, finissez-en avec cette sécheresse et jaillissez enfin, loin et fort, un ingé unanime et joyeux et véridique, franchement et fraternellement. Messieurs, j'ai fini ma péroraison. Ce qu'il y a de grand dans le vrai amour, c'est que tu deviens à la fois le fils et le père de celle que tu aimes. Et que tu vieillis avec elle. Ça, c'est important. Mais le reste, vous savez, le reste... Écoutez, imaginez une chose. J'en viens à Anna Karénine. Imaginez que le tsar, pris d'un grand élan de cruauté, lorsqu'il voit Anna Karénine éblouie d'amour immédiate, fatale, de son Vronsky, s'il les condamne, les deux, à être enfermés dans une chambre et être copieusement purgés, l'un et l'autre, et ne pas pouvoir sortir de cette chambre, eh bien, je vous garantis que cet amour magnifique a disparu. Cet amour qui était en train de naître a disparu. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont vus de pauvres êtres, tous les deux, soumis à l'impératif terrible, humiliant de leur organisme physique. Et c'est fini cet amour. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la fameuse passion vit sur le mensonge, vit sur des choses qu'on ne veut pas voir, auxquelles on ne veut pas penser, qu'on ne veut pas croire. J'ai raison, mais Mangeclou est un moraliste quand il dit qu'il faudrait que sur les murs du métro, il y est partout, les amants font caca. Au lieu de du bonnet, les amants font caca. Il y a toujours la défaite. Si c'est une passion authentique, ça ne peut aller qu'à la mort. C'est pas possible autrement. Je sais plus qui a dit ce mot un petit peu pompeux, la guerre sera gagnée par ceux qui n'aiment pas faire la guerre. Claude Roy. Alors j'ai l'impression que la vie est aimée par ceux qui en ont horreur, que le bonheur est conquis par ceux qui se défient du bonheur et que l'amour est vécu le plus intensément par ceux qui se défient profondément de l'amour. C'est un peu le cas d'Albert Cohen. Est-ce qu'il vous donne le sentiment, quand vous le rencontrez, de quelqu'un qui a horreur de la vie? Non, il est prodigieusement vivant dans cette espèce de grotte du boulevard Krieg. Il est aux affûts de tout ce qui se passe. Il a l'œil ouvert sur le monde, sur la vie. Et cet homme dont vous disiez qu'il a horreur de la vie, il est extraordinairement vivant et il a un goût de la vie très, très violent. Il est évident que le thème de la mort court dans tout ce qu'écrit Cohen. Mais penser que l'essentiel de cette œuvre, toute cette œuvre, est une œuvre en même temps, une espèce de geste comique, de saga comique, et que, bon, bah, là, je veux dire des banalités, mais que la vie est. Que la mort est l'envers de la vie, et que cette façon d'avoir la mort, la sensation, l'idée de la mort présente constamment à l'esprit, chez un homme comme Cohen, comme je crois chez beaucoup de ceux pour qui la mort est un sujet d'une présence constante, avive, exalte encore la vie elle-même. À 6h du matin, Peñasolal, dimanche clou, descendit tout habillé du hamac qui lui servait de lit dans la cave qui lui servait de chambre. Pieds nus, mais comme de coutume, en redingote et haut de forme. Il ouvrit le soupirail et aspira, les yeux fermés, les souffles de jasmin et des chevrefeuilles mêlés de senteurs marines. En hommage à la beauté de son île natale, il ouvrit le soupirail et aspira, les yeux fermés, les souffles de jasmin et des chevrefeuilles mêlés de senteurs marines. En hommage à la beauté de son île natale, il souleva son couvre-chef devant le paysage apparu dans le rectangle du soupirail, salua gravement la mer lisse et scintillante aux trois dauphins folâtres, les grands oliviers argentés et tout au loin, les cyprès qui montaient la garde devant la citadelle des anciens podestats. Le plus noble et le plus malheureux de tes fils te dit adieu, ô Céphalonie. Comme pour prendre congé de lui-même, il se contempla dans la vitre fêlée qui lui servait de miroir posé contre le mur. À grand soupir, il admira de son apparence tout ce qu'il ne verrait plus tôt, plus jamais. Admira sa longueur de charnet de plastique, sa barbe en sardonique fourche, ses grands pieds crasseux qu'il avait tant aimés, ses formidables mains tout en os, poils et saillantes veines, sa redingote rapiécée, son de forme barbue. Un sourire désenchanté découvrit ses longues dents jaunes, aussi écartées que ses orteils. Oui. Ce jour, 28e de mars, allait être cette nuit funeste de son décès. Adieu, chers aspects de ma personne, dit-il à son image dans la vie. Hélas, c'était ainsi que finissaient tous les génies, dans la misère et par le suicide. Oh. La société était mal faite, et il était injuste qu'il ait eu entre les humains d'autres supériorités que le mérite. L'intelligence prompte et la vertu. Au sang, douloureusement les sourcils, murmura les titres du roi d'Angleterre, par la grâce de Dieu, roi du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne, Irlande du Nord et des autres possessions et territoires au-delà des mers et océans, chef du Commonwealth, défenseur de la foi. Tout cela pour ses chanceux et pour lui, rien. Il n'y avait pas de Dieu et il était temps de quitter ce monde au cruel. Oui, mourir. Demain, devant son cercueil et en présence de la population affligée, ce serait malheureusement Salomon, son parent adulte le plus proche, qui dirait les prières des endeuillés. Ce petit ignorant, bafouré, ferait sûrement maintes fautes choquantes de prononciation en hébreu. Pignasolal méritait mieux. Tout à l'heure, avant de mourir, il réciterait donc lui-même, impeccablement, avec les justes intonations, la prière rituelle, et se rendrait ainsi les derniers devoirs en toute dignité. Après tout, n'est-ce pas le principal endeuillé? La décision ainsi prise, il relut le testament qu'il avait rédigé la veille en termes choisis, essuya une larme émue par les conseils moraux qu'il laissait aux siens pour tout héritage, hélas. Oui, il allait convoquer ses fils, sa femme, ses filles. Il leur lirait son testament avec des sanglots réprimés. Ensuite, il serrait tendrement sur sa poitrine ses trois chers petits-enfants. Il leur dirait adieu. Adieu, Eliassine, Moïse, Isaac. Adieu, mes chéris, adieu, pour toujours, adieu. Adieu, mes trois bambins, le mignon de mon âme, mignon oiselet, petit colis parfumé de mon cœur, adieu. Adieu, la vie. Adieu, céphalonie, île luxuriante de mon enfance. Adieu, magnolia, asphodèle, citronnier, cédratier, brise marine entre les orangers, touffe de jasmin mon oreille, rose entre mes dents. Adieu, car de la gloire de manches clos, ce jour est la fin. Et vous, bonne chose à manger qui demain y serait encore, mais sans moi qui vous aurais tant aimé. Adieu. Adieu, fruits charmants au palais, déjà mûrs en ces tendres climats. Adieu, melon chéri et pastèque enchanteresse. Adieu, raisin céphalonien, gros comme des prunes. Adieu, figue de Barbarie, glacée à l'aurore et si rafraîchissante au gosier. Adieu, bon petit café noir et sucré du matin, bu avec du bruit et des cigarettes de contrebande. Adieu, adorable petite saucisse de bœuf joliment pimentée. Adieu, œufs frits à forte friture dans de l'huile d'olive bouillante, avec beaucoup de poivrons, ou bien avec quelques gouttes de vinaigre au dernier moment. Adieu, délicieux blanc de l'œuf, c'est boursouflant et c'est dentelant. Et vous, barquette au fromage salé, rate au vinaigre et à l'ail, queue de bœuf, au frottement mijoté du jeudi matin au vendredi soir. Adieu, et toi surtout, mon préféré, coup d'oie farci, amour de la langue, et subséquemment de la panse. Adieu, à jamais, adieu. Voilà. Ce sont tout ça, ce sont tout ça, tout ça, c'est des pauvres paroles. Et soudain, voyez-vous, j'ai peur qu'il n'y ait rien à faire. Parce que l'homme très raisonnable que je suis, dehors, ancien directeur aux Nations Unies, est un fou. Et une voix me dit condamnés, les hommes sont condamnés et ils disparaîtront tous tués par leur méchanceté. C'est ce que ces singes savants. Et ils disparaîtront tous tués par leur méchanceté. Et alors, au fond, je me dis, moi je suis seul, je reste seul et transi avec ma pauvre vérité. Et alors, à ma vérité, à la vérité que je viens de vous dire, je dis, ô ma grande piteuse, ô ma folle aimée, résignons-nous et tenons-nous au chaud l'un l'autre. Et Mozart ne sera plus. Mozart n'aura servi de rien, n'aura pas été. L'obsession de la mort, c'est tout simplement, je me vois dans le cercueil et je me préoccupe de choses vraiment absurdes. Est-ce qu'on me mettra le costume que je préfère? On ne saura pas faire ma cravate, moi qui l'ai fait si bien. Je sais ce que c'est, l'agonie, c'est la volonté de respirer et on sent que ça va finir. Et puis, ça, ce geste qu'on fait, c'est parce qu'on veut respirer encore. On a l'impression que si on enlève ça, l'air pourra entrer, comme si c'était un obstacle. Et bien, ce sont des choses que je vis continuellement. Je suis heureux. Parce que j'accepte, j'ai... Amor fati. J'aime le destin. Je suis blanc sur un rideau noir. Je me détache vigoureusement sur le fond de la mort. Puisque vous aimez la vie, enfin, pourquoi n'avez-vous pas eu plusieurs enfants, par exemple? Alors vous posez une question très importante, très importante, très importante. C'est vrai. C'est vrai. Voilà, vous voyez une contradiction. De plus, je m'aperçois que je suis un pessimiste. Je parle de... amour de la vie, je suis très vivant, mais en réalité, pourquoi je n'ai pas voulu d'autres enfants? Pour ne pas... leur donner la maladie et l'agonie. Oui. Est-ce que j'ai l'air d'avoir 80 ans? Non. Ça vous ennuie beaucoup d'avoir 80 ans? Oui, parce qu'il ne me reste qu'une vingtaine d'années. Je suis un mariage miraculeux de contradictions. Mariage miraculeux de contradictions. Une série d'émissions de Françoise Estève et Jean Couturier. Avec Albert Cohen, Claude Roy, Daniel-Émile Forque. Daniel-Émile Forque interprétait le rôle de Mangeclou. Prise de son et mixage, Myron Merson. Assistant de production, Bruno Sourcy. Réalisation, Françoise Estève, Jean Couturier. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 6 août 1982. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture ainsi que les précédents volets de cette série. Et à lire, bien sûr, le Quarto Gallimard, réunissant Solal, Mangeclou, Les Valeureux et Belle du Seigneur.